Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans le supplément de Tech Café. Nous enregistrons aussi le 15 novembre 2022, date à laquelle nous avons également enregistré l'épisode hebdomadaire. C'est l'épisode précédent dans ce podcast. Si jamais vous voulez écouter toute l'info fraîche dans les nouvelles technologies, en particulier ce qui se passe du côté de chez Meta avec des gros licenciements, plus de 11 000 personnes, chez Amazon également, et puis surtout la faillite de la société FTX dans le monde des crypto-monnaies, les chroniques autour d'Elon Musk et de Twitter. Bon, tout ça, c'est dans l'épisode précédent de Tech Café, mais là, on va prendre le temps de se poser. Et quand je dis « on », c'est parce que moi, Guillaume Vendée, je suis accompagné de Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Mais écoute, très bien. Alors, on est sur un épisode supplément de Tech Café où on va pas vous parler de l'actu récente, loin de là. On va avoir plutôt un épisode au format dossier. J'ai la faiblesse de penser, au vu de la structure de l'épisode et des thèmes abordés, que ça peut être un de ces épisodes mythiques. Donc, tu as le secret. Vous savez, à l'époque, Guillaume avait parlé de la manière dont fonctionnaient les processeurs avec des analogies autour des castors. Alors là, on est tout à fait dans un autre registre, mais je pense qu'on est dans la même perspective d'avoir un dossier très pédagogique. Guillaume, tu vas nous renvoyer vers le passé. Est-ce que tu peux un petit peu nous dire de quoi tu vas nous parler ? Écoute, si on s'est intéressé pour ce hors-série à l'origine des ordinateurs, voilà. Ah bah, clairement. Quel est le premier ordinateur, d'ailleurs ? Ah, ça commence bien. C'est pas une question facile de savoir quel est le premier ordinateur, quelle est l'origine de l'informatique. Hein. C'est complexe parce que ça dépend un peu de ce qu'on cherche, des critères qu'on se donne. Tu vois, par exemple, on pourrait parfaitement dire que l'ordinateur est né à l'époque victorienne, à Londres, dans les années 1830. Et oui, je rigole pas, notre monde a bien failli tourner steampunk, vraiment. Le premier ordinateur a failli être à vapeur, et je rigole absolument pas, en fait. Les plans de la machine analytique de Charles Babbage, ils étaient bien établis, ils étaient tout près, hein, pas loin, et sa machine, techniquement réalisable. Il y a même des morceaux qui ont été construits par Babbage et plus tard par son fils. Et ça n'a jamais été complété, du coup, est-ce que c'est vraiment le premier ordinateur ? Je dirais oui, probablement, parce qu'on considère bien Ada Lovelace comme la première programmeuse de l'histoire. Hein. Les références à Ada fourmi en informatique, hein, encore dernièrement, est sortie la ligne des RTX 4000 chez Nvidia, dont l'architecture se nomme Ada, tout comme l'unité monétaire de la blockchain Cardano, d'ailleurs, et plein d'autres choses. Et bon, ces programmes qu'Ada elle a écrits, ils ont été faits pour la machine analytique de Babbage, donc voilà, il s'en est fallu de peu qu'il y ait eu de révolution informatique qui éclate en même temps que la révolution industrielle, hein, voilà, faite de rouages, de pistons et de machines à charbon. Ça nous donnait un monde très différent, et d'ailleurs c'est une uchronie qui a été explorée par William Gibson et Bruce Sterling dans le livre qui s'appelle « La machine à différence » qui est sorti en 90. Donc ouais, on va essayer de partir un petit peu dans l'origine, donc on va dire cette origine des machines, et puis on va aussi évidemment quand même aborder les vraies machines électroniques, on va dire les machines plus connues, hein, donc les machines du début du XXe siècle, et les machines évidemment pendant la guerre. Donc on va essayer de faire un gros voyage dans le temps comme ça, wow, pour voir un petit peu comment ça a évolué et comment voilà la science de la technologie comme ça interfère, et c'est je pense que c'est assez intéressant. Alors ne partez pas, oui, on va parler de machines très très très très très vieilles. C'est vrai que si vous êtes beaucoup très intéressé par les machines modernes et les gadgets, évidemment ça va pas du tout être, parce qu'en gros on va s'arrêter dans les années 50, quoi. Donc voilà, c'est vraiment vraiment très loin tout ça. Et vous ne retrouverez pas cet épisode sur la chaîne YouTube Nota Bene, donc vraiment restez abonnés à Tech Café. Et c'est vrai que quelque part, il y a bien des locomotives à vapeur, des trains qui fonctionnaient comme ça. Bon, après, il s'agissait simplement de déplacer, quand je dis simplement, c'est avec des guillemets, mais de déplacer une grosse machine. Là, on est plutôt sur du calcul. Spontanément, on se dit, ça paraît quand même difficilement compatible. Et après tout, pourquoi pas ? Allons-y, Guillaume, on part en voyage avec toi. Oui, ben voilà, donc du coup, on va commencer par parler de Babbage. Donc Babbage, c'est qui ? C'est un Anglais, c'est une sorte de génie des sciences mathématiques, hein, qui est né en 1791 à Londres. C'est une sorte de Léonard de Vinci victorien, tu vois, il touche un petit peu à tout avec génie. Mais lui, il peint pas des portraits de bourgeoises ou des trucs d'angelots, tu vois, non, lui, son truc, c'est le calcul. Il est obsédé par les maths, il voit des maths partout. Et à l'époque, il y a, pour ainsi dire, pas de moyen de calculer des trucs autrement qu'avec ses deux mains et un crayon. Alors, des bouliers. Il y a les bouliers, c'est vrai, il y a des abacs, il y a des bouliers. Il y a Pascal qui a créé la Pascaline en 1645. Alors la Pascaline, c'est une machine à calculer mécanique. Alors, elle est très complexe, elle est chère, son utilisation est quand même très limitée, parce qu'en fait, elle fait essentiellement que des additions et des soustractions. Alors, la Pascaline, bon, on peut parler de la Pascaline, c'est quand même intéressant, même si c'est pas vraiment une machine de comme un ordinateur, c'est une machine de calcul. On va voir que finalement, le calcul, c'est le besoin cardinal, c'est le besoin qui pousse les gens à faire des machines, et des machines de plus en plus sophistiquées, et c'est ça qui amènera aux ordinateurs. Alors, si on veut parler de la Pascaline, bah, la Pascaline, en fait, quelle tronche ça a une Pascaline ? Bah, ça se présente comme une grosse boîte avec des cadrans téléphoniques. Voilà, tout simplement. Voilà une image d'ailleurs qui ne dira probablement pas grand-chose aux plus jeunes des auditeurs. Je m'excuse vrai, parce que cadran téléphonique. J'étais en train de me rendre compte de ça. Ouais. Voilà. Donc il faut imaginer. Donc un cadran téléphonique, c'est un disque avec des trous autour du centre. Il y en a un pour chaque numéro. Et pour faire un numéro, bah, on met son doigt dans le trou. Voilà qui correspond. Puis on tourne jusqu'à un petit taquet métallique à la fin. Voilà. Donc, c'est... Si vous êtes un coup de vieux cadran. Ça nous fait. Parce que moi j'ai eu ça petit. Hein. J'en ai eu un. Ben, comme ça. Enfin j'en ai eu un. Ma famille en a eu. Voilà, ma famille, moi aussi, en a eu un, évidemment, dans les années, soit dans les années 80, mais bon. Donc, c'est exactement la même chose avec la Pascaline, en fait. Hein. Il y a 6 cadrans sur le bas de la boîte, et en haut, il y a 2 rangées de chiffres. Donc, en fait, c'est les mêmes, mais il y a juste le complément à 9 des chiffres qui vont des chiffres, c'est chaque fois des chiffres de 0 à 9. Parce que le complément à 9, ça permet de faire des soustractions, mais bon. On va partir simple. Donc, pour faire une addition, comment on fait ? Donc, on part de 0, en fait. Et on met le premier nombre avec les cadrans, les cadrans qui sont en dessous, là on met les premiers nombres, le premier nombre auquel on veut ajouter un truc. Et puis ensuite on compose le deuxième, et ce qui s'affiche en haut c'est la somme. Et le principe de fonctionnement il est assez simple en fait, hein. On numérote les dents d'un engrenage, donc on a un engrenage et on numérote les dents de 0 à 9 en gros. Donc c'est assez évident que si vous partez disons de la dent 3, et que vous tournez ensuite de 4 dents, ben vous allez tomber en face de la dent qui est sur le chiffre 7. Mmh. Et donc vous avez fait l'addition de 3 plus 4. Alors évidemment, le souci, ben, ça provient du fait que ben, quand tu as plusieurs chiffres, ben, tu as des retenues. Et c'est là qu'intervient l'ingéniosité de Pascal. Parce que derrière l'engrenage, en fait, il y a des petits picots vers là où est le chiffre 9. Et ces picots, ils vont entraîner un bras retenu par un ressort. Et quand on passe le 9, ce bras est entraîné et provoque la rotation de 1 de l'engrenage suivant. Qui code pour le chiffre retenue, d'après. En fait. Et il fait mécaniquement la retenue. Donc, par le ressort, le bras revient ensuite à sa position neutre, hein, jusqu'à ce qu'il voit un prochain 9. Donc, il y a 6 mécanismes qui sont enchaînés comme ça, pour 6 chiffres. Et alors, c'est des mécanismes qui sont presque identiques, hein, et ça, tout ça, ça forme la Pascaline. Donc, c'est une description simplifiée, mais en gros, c'est comme ça que ça marche, et c'est comme ça qu'on peut faire des additions avec des engrenages. Après, c'est juste des additions simples sur 6 chiffres. Et après chaque opération... Il ne faut pas se gourer en plus. Il ne faut pas se gourer parce qu'en plus, après chaque opération, il faut revenir à 0. CTRL Z. Hein. Et faire revenir à 0, en fait, il faut mettre des 9 partout et rajouter 1. Bon, enfin bon. Ça reste franchement un poids limité. Et bon, en ce 19e siècle, ben, on a de plus en plus besoin de faire des calculs à l'époque de Babbage. Hein, des calculs pour l'astronomie, pour la physique, et même pour le secteur bancaire aussi, hein, bien sûr. Et on a besoin d'utiliser des fonctions compliquées avec des fonctions transcendantes, des cosinus, des logarithmes, tout ce genre de trucs. Parce que les mathématiques de l'époque sont déjà très puissantes. Mais pour les appliquer, le problème, c'est qu'il faut faire des calculs. Et faire des calculs, ben, ça prend des heures et des jours et des mois même à faire tout à la main. Donc on utilise des abacs, des tables... Il y a des tables de logarithmes, des tables de sinus. Donc en fait, on précalcule hein, tout simplement. Et la moindre erreur dans une de ces tables peut faire rater un tiers de mortier, ça peut faire rater une nouvelle planète, ça peut faire dérailler une trajectoire. Bon voilà, donc c'est très important de pouvoir faire des tables précises et surtout des tables fiables. Donc il y a un besoin de calcul, il y a un besoin de tables fiables. Et c'est dans ce contexte que Babbage imagine sa première grosse machine qui est la machine à différence. Alors on va s'intéresser quand même à pourquoi. Ça s'appelle la machine à différence. Ça vous rappelle que le roman de Gibson et Sterling s'appelle aussi la machine à différence. C'est en référence à cette machine-là, qui est la première machine de Babbage. Alors, le but de Babbage, c'est de calculer des valeurs de fonctions polynomiales. Alors voilà, pourquoi ? Ben parce que déjà à l'époque, on connaissait les développements de Taylor, hein, et qu'on savait bien que toute fonction qui est bien lisse peut s'approximer par un polynôme d'un degré d'autant plus élevé qu'on veut une bonne précision. Pour les moins mathématiques d'entre nous, est-ce que tu peux rappeler ce que c'est qu'un polynôme ? Alors un polynôme, c'est une fonction où on a où on élève des puissances, on fait des sommes de puissances. Par exemple, le polynôme du second degré, que je suppose voilà, la plupart des gens ont au moins vu une fois au lycée, c'est un polynôme qui s'écrit un nombre fois x carré plus un nombre fois x plus une constante. Mmh. C'est un, donc on dit que c'est de degré 2 parce que la plus haute puissance c'est 2. Donc en fait, globalement, vous faites des puissances, des multiplications et des additions quand vous faites un polynôme. Et ça, c'est un problème, parce que du coup, bah, les puissances, ça fait beaucoup de calculs. C'est super long à faire à la main, parce qu'il faut s'imaginer qu'il faut les faire à la main, ces trucs. Imagine calculer un truc comme x puissance 4 plus 3x puissance 3 plus 12 fois x moins 7 pour 100 valeurs. Imagine pour 100 valeurs, pour 1000 valeurs. Ben voilà, bon courage, tu vois. Donc, c'est compliqué, c'est très très long, mais heureusement pour nous, les polynômes, ils ont une propriété qui est quand même très intéressante. Quand on prend leur dérivée, leur degré baisse jusqu'à tomber à zéro. Donc là, certains lycéens vont comprendre ce que je dis, d'autres moins. Mais bon, disons que ça marche aussi avec les différences finies. Et ce que ça veut dire, concrètement, c'est que quand on prend les différences des valeurs successives que prend un polynôme, qu'on les note dans une colonne d'un tableau, et qu'on fait la même chose avec les différences de cette colonne-là, c'est-à-dire les différences des différences, qu'on les note dans une autre colonne, si on fait ça plusieurs fois, à un moment, on va se retrouver avec une colonne constante où il y a un seul chiffre, en fait, dedans. Le chiffre qui change jamais. Et donc, youpi. Pourquoi youpi ? Ben, c'est totalement youpi. Parce que si on sait que, disons, la troisième colonne ne change jamais, que c'est toujours le même nombre, que c'est toujours 3, et que c'est la différence entre les deux termes de la deuxième colonne, et ben, du coup, tu peux calculer le terme suivant de la deuxième colonne simplement en rajoutant cette valeur. Puisque c'est des différences et que ça ne change pas. Donc, comme les valeurs de la deuxième colonne sont les différences de celles de la première colonne, ben on peut calculer le terme suivant de la première colonne simplement en rajoutant cette valeur-ci, et ainsi de suite. Du coup, si vous avez toutes les valeurs dans toutes les colonnes à un moment donné, ben vous pouvez calculer les valeurs suivantes en ne faisant que des additions. Et c'est là le truc génial, c'est que vous calculez des valeurs des polynômes en faisant que des additions, ce qui est évidemment beaucoup plus rapide, et surtout ce qui est mécanisable, parce que autant faire des additions, on vient de voir que c'est relativement simple avec comme on le fait une pascaline, autant prendre des puissances, c'est juste absolument ingérable. Donc c'est super important de pouvoir réduire tout ce processus à faire que des additions, et évidemment... C'est pour ça que ça s'appelle les machines à différence, parce qu'on va justement gérer ces tableaux de différence. Alors évidemment, on a vu de la pascaline que c'était pas trop trop compliqué à faire, là c'est quand même plus chaud. En particulier, il faut additionner plusieurs fois tout en conservant des valeurs. Et ça pour un grand nombre de chiffres. A priori, hein, donc la pascaline n'avait aucune mémoire. Je rappelle que elle se souvenait pas des opérandes. À chaque étape, voilà. Là, il faut garder les nombres qu'on a, tu vois, il faut garder les nombres d'étape en étape. Donc la machine de Babbage est prévue pour calculer des polynômes de degré 7 avec une précision de 30 chiffres. Ce qui veut dire qu'il va falloir maintenir des colonnes géantes de 30 engrenages. Et on va en avoir 8 piles. Donc voilà, vous imaginez un énorme axe avec une pile de 30 engrenages, comme ça. Et vous allez en avoir 8 comme ça. Et il va falloir propager des retenues dans l'ensemble de ces chiffres avec des axes portant des hélices autour de bras qui s'activent à chaque passage des 9. Mais ça, c'est rien. Parce qu'il va falloir aussi faire les sommes en gardant les opérandes. Donc pour chaque accumulation, il va falloir que les engrenages tournent ensuite à l'envers pour revenir au nombre initial, pour garder la mémoire du nombre qu'on a additionné. Parce que là, je rappelle, hein, vous additionnez le nombre, vous faites tourner, bien sûr, les deux axes, vous avez la somme sur le deuxième axe, mais du coup, sur le premier axe, vous n'avez plus le nombre qu'il y avait au départ. Or, nous, on en a besoin. Donc ça veut dire qu'il faut que le nombre il retourne exactement du même nombre de pas dans le sens inverse. Donc pour ça, il y a des axes avec des engrenages partiels qui peuvent engager l'un ou l'autre des axes adjacents, ou les deux. C'est-à-dire qu'en fait, vos colonnes d'engrenage sont séparées par une troisième colonne d'engrenage qui fait tourner soit l'un, soit l'autre, soit les deux, pour remettre les trucs en place. Oh, quelle usine à gaz. Enfin, pardon. Carrément. C'est très péjoratif quand je dis ça. C'est terrible. Mais... C'est terrible. Ça veut dire que ces axes doivent monter ou descendre en rythme. Et tout ça est synchronisé par un système de cam qui est complètement délirant et qui s'actionne via une manivelle qui fait tourner l'ensemble à la force des bras. Alors, je vous passe les mécaniques anti-retour, hein, qui sont là pour s'assurer que l'alignement des dents. Si vous êtes intéressé, si vous avez envie de mesurer l'ampleur du délire, hein, la chaîne YouTube Mechanical Computing montre tout ça en 3D, et c'est absolument fascinant. Donc voilà, sur YouTube, vous avez énormément de docs là-dessus, sur tout ce que je vais dire dans ce podcast, et c'est vraiment très très important, je pense, que si ça vous intéresse, d'aller voir, parce qu'il y a des choses visuellement, quand même, c'est quand même plus simple quand on les voit que quand on les entend. Mais bon... En pratique, donc, comment on utilise une machine à différence ? Eh bien, on commence par précalculer les valeurs, les premières valeurs de la table des différences dont j'ai parlé tout à l'heure. Hein. On initialise les valeurs sur les roues. Donc les roues dentées empilées sur des axes, ben en fait, chaque roue porte un chiffre du nombre qu'on va utiliser, ce sont des nombres entiers, et le nombre se lit de bas en haut. Donc vous lisez la colonne en fait de bas en haut. Et ensuite, on tourne, une fois que vous avez donc initialisé tous vos nombres, donc vous calculez à la main les premières valeurs, mais ensuite on tourne une grosse manivelle pour activer le mécanisme, et ça fait tourner littéralement des milliers de pièces métalliques. Et à chaque tour, ça produit l'ensemble des valeurs suivantes du polynôme. L'ensemble des différences, en tout cas suivantes du polynôme, et donc les valeurs. Il y a même l'option d'imprimer le résultat avec des rouleaux encreurs. Donc, dire que la machine est compliquée, c'est un adorable euphémisme. Elle pèse plusieurs tonnes. Ces milliers de rouages et pièces complexes et spécifiques doivent être fabriqués spécifiquement pour elle. Et puis à l'époque, il n'y avait pas de standardisation des pièces mécaniques de toute façon, donc à fabriquer. Donc ça va coûter une blinde à fabriquer. Hein. Et donc après avoir déposé une preuve de concept qui s'appelait la Difference Engine 0, Babbage va demander à la couronne, à la couronne britannique, de financer sa machine à différence avec l'aide de Joseph Clement, qui est un des meilleurs ingénieurs mécaniciens de l'époque. Hein. Et d'ailleurs, Babbage lui-même est un ingénieur mécanicien pas dégueulasse, hein, puisqu'il va créer lui-même plusieurs pièces et des prototypes. Mais ça reste une tâche très très ardue. C'est un peu de l'horlogerie, mais sur une énorme machine de plusieurs tonnes qui pousse la mécanique jusqu'aux limites physiques de l'époque, en fait. Hein. Il faut que tout tourne bien, avec le moins de friction, que ça casse pas, malgré le poids, les contraintes, que tout soit actionnable avec une force musculaire humaine, et c'est vraiment pas si évident que ça. En fait, les deux hommes vont travailler 10 ans sur la Difference Engine 1, grosso modo de 1822 à 1833, et à cette date, Clement lâche le projet pour des raisons financières qui paraissent complètement dérisoires aujourd'hui. En fait, il n'a pas été compensé suffisamment pour le déplacement de son atelier. Il a déplacé son atelier près de là où travaille Babbage. Bon, et donc, il y a des bisbilles financières assez mineures en fait, hein, qui font que tout ça n'aboutira pas. C'est quand même extraordinaire. La Difference Engine 1 n'est jamais terminée. Et c'est peut-être ce qui nous a coûté en mode steampunk. Parce que Babbage, pendant les 10 ans de la construction, il n'a pas fait que ça. Il a pensé à autre chose. Alors déjà, il a pensé à une autre version de la machine, qui sera un peu plus puissante, un peu plus simplifiée surtout. Mais surtout, il a pensé à sa machine analytique. La machine analytique, c'est un autre monde. La machine à différence, c'est un calculateur spécifique. La machine analytique, dont Babbage a tous les plans, c'est un ordinateur. C'est une machine qui possède une mémoire entre 100 et 1000 valeurs, stockées en décimales, donc voilà, c'est des nombres décimaux. Hein. Chaque colonne de rouage est un nombre et qui représente donc une valeur dans la mémoire de la machine. Il y a un accumulateur qui opérerait sur une des valeurs stockées. Il y a des cartes perforées qui auraient permis de contrôler le flow d'un programme qui était écrit sous la forme adresse plus opération. La machine avait même la capacité de faire un branchement conditionnel, elle était Turing complète. C'était un ordinateur au sens moderne. Alors, si vous voulez savoir à quoi elle aurait ressemblé, il y a des plans qui ont été faits, et il y a Sidney Padua, qui est un illustrateur entre autres, hein, qui a fait donc une illustration très cartoon et très intéressante de ce à quoi ressemblait cette machine. Donc c'est un truc qui aurait été plus gros qu'une locomotive, facilement 3 mètres de haut. Vraisemblablement dans la couverture de cet épisode de passage. Oui, oui, et puis tous les liens de toute façon sont dans les notes de l'émission, vous pourrez aller voir ça. Et donc ça se présente comme une espèce de truc de 15 mètres de long, et comme d'abord une sorte de mur d'engrenage. Un wagon d'engrenage en fait. Complètement, c'est un wagon d'engrenage, ils sont numérotés façon machine à différence en fait, hein, et ça constitue la mémoire de la machine, donc il y aurait 1000 nombres, jusqu'à 1000 nombres, de 50 chiffres, donc ça fait déjà 5000 engrenages, ne serait-ce que pour ça, hein, ça part bien. Et au bout, tout au bout, on aurait la partie CPU, la partie processeur, qui lui appelait le moulin. Et c'est probablement la machine mécanique la plus complexe qui ait jamais été imaginée par un être humain. Et d'ailleurs, la force nécessaire à actionner tous ces rouages aurait été tellement importante qu'il aurait fallu une machine à vapeur pour faire tourner sa manivelle. Et donc, on aurait eu un ordinateur à vapeur. C'est génial. Ouais, c'est donc, Babbage s'était inspiré des métiers à tisser jacquard et des cartes perforées pour programmer la bête. Hein. Donc, il y aurait eu plusieurs lecteurs de cartes. En fait, il y en aurait eu un pour les opérations à faire, une pour les variables, entre guillemets, qui se seraient occupées en fait, de transférer les valeurs de la mémoire dans des piles d'engrenage de travail près du moulin. Donc en fait, c'était des registres en quelque sorte. Il y aurait un autre lecteur, qui était d'ailleurs en charge d'écrire les nombres dont on avait besoin en mémoire. Donc voilà, c'était une sorte de stockage, une sorte de disquette pour mettre les valeurs dans les engrenages en mémoire, les engrenages de mémoire. Et il y avait même des notions de microcode, parce qu'il y avait des cylindres codant pour des blocs d'opérations de base. Et il y avait une imprimante pour les résultats. Donc si on considère que le Mark I d'Harvard fait à peu près la même chose, on peut considérer que Babbage avait 100 ans d'avance sur son temps. Ça, évidemment, c'est si la machine avait été construite. Alors le problème, c'est que déjà, la machine à différence numéro 1 n'a pas été terminée après 10 ans de travail, ça a été un gouffre financier qui n'aboutit à rien. Hein. Donc du coup, on comprend qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui sont enclins à suivre Babbage dans un projet qui doit coûter plus que 50 locomotives avec. Une petite incertitude quand même sur le résultat, hein, inhérent à la complexité de l'entreprise et au caractère pas facile du scientifique, hein, parce que Charles, il faut se le faire. Il aurait été plus doué en relations publiques, peut-être qu'il aurait calmé Clément et que son calculateur aurait été en fonction un peu partout dans l'Empire victorien. Empire victorien, chacun le sait, sur lequel le soleil ne se couche jamais. Enfin, bon, y a bien quelqu'un quand même qui a été séduit par tout ça, ben c'est Ada, ben, la fameuse Ada de Lovelace. Alors son nom, c'est Augusta Ada King, comtesse de Lovelace. Comme son nom le laisse supposer, c'est pas une miséreuse, hein, pas du tout. Oui, c'est vrai, voilà. Ça transpire. C'est même la fille de Lord Byron, donc un grand poète anglais dont je vais pas faire semblant de connaître la moindre œuvre, mais enfin quand même. Et donc c'est une petite fille qui est éduquée avec soin, hein, par des percepteurs doués, puisqu'elle développe un goût et un talent pour les mathématiques. Et donc en 1833, Babbage fait une démo d'un morceau fonctionnel de la machine à différence, et Ada y assiste. Et contrairement à la majorité de l'assistance, non seulement elle comprend comment ça marche, mais en plus elle s'intéresse énormément au sujet. Elle a que 17 ans à l'époque, hein, et elle bombarde Babbage de questions, ce qui évidemment le séduit énormément. Donc Charles va encourager et collaborer avec Anna, en fait, tout au long de sa courte vie, hein, malheureusement, parce que Ada va mourir jeune d'un cancer de l'utérus, elle avait une santé très fragile. Et donc Babbage va recommander à Ada un mathématicien qui est plutôt connu, hein, pour faire son éducation, puisque c'est De Morgan. Oui, et vous vous souvenez peut-être des lois de Morgan. Souvenez-vous, les formules des lois de Morgan, c'est les formules logiques avec et ou non, l'étape de vérité, tout ça. Mm-hmm. Et bien c'est lui, De Morgan, ben c'est lui. Donc voilà, quand Babbage crée la machine analytique sur papier, évidemment, Ada, elle est à fond les ballons. Elle étudie le truc et elle le comprend. Et c'est peut-être, avec Babbage, les deux seules personnes de la planète à comprendre ce que ça fait, ce truc. Et elle finit par connaître la machine mieux que Charles. Alors, curieusement, sa contribution historique la plus connue, c'est une traduction d'un article en français sur la machine. Il y a un ingénieur suisse italien qui l'avait écrit, et elle a toute compétence pour le traduire, voire même pour l'écrire de zéro, en fait. Mais suisse bon, italien, excuse-moi. Ouais, c'est un ingénieur suisse / italien qui a écrit en français, okay. Qui a écrit sur la machine analytique et qu'il avait vue. Et Ada, en fait, en fait une traduction, mais vraiment sa plus grosse contribution, c'est les notes qui accompagnent la traduction, qui sont beaucoup plus longues que l'article lui-même. Et en fait, dedans, elle y décrit les procédures pour utiliser la machine analytique, pour trouver la solution d'un système d'équations, de diverses expressions, pour calculer le nombre de Bernoulli, etc. Donc, elle décrit tout ça sous forme de procédures avec des cartes perforées, et aujourd'hui, eh ben, on appellerait tout simplement ça un programme. Mais ça date de 1842. Donc, en quelque sorte, le logiciel est né à cette date, mais le matériel n'est encore qu'une idée, malheureusement. Donc, Ada a tout fait, hein, pourtant, hein, pour aider Babbage, pour lui trouver des fonds, mais malheureusement, elle aura réussi qu'à s'endetter elle-même, et finalement, bah, le monde ne fut pas steampunk. Donc aujourd'hui, il existe des machines à différence fonctionnelle, il y en a une à Londres, il y en a une en Californie. Alors, cette dernière, d'ailleurs, c'est la version 2, hein, pour être précis. Je pense pas qu'il existe une machine analytique en dur, toujours pas. Même si je sais qu'il y a des courageux, ou des fous, c'est bon, à vous de voir, à Imperial College qui voulaient tenter l'aventure, parce qu'il existe désormais des plans précis. Donc il n'y a plus qu'à. Ben, bonne chance. Hein. Voilà, Babbage avait inventé aussi, en parallèle de ça, un langage diagrammatique pour décrire sa machine et pour décrire comment l'utiliser, qui préfigure complètement les schémas électroniques modernes, en fait. Donc Ada était complètement visionnaire, parce que non seulement elle voyait la potentialité déjà dans la machine analytique de faire des calculs, hein, mais, et de, d'être programmée pour faire des calculs divers, mais aussi plus, d'aller plus loin pour manipuler des symboles plutôt que des nombres, voire d'écrire de la musique, si tu trouvais une manière de coder la musique. Donc voilà, c'est vraiment très très en avance, et même si aucune de ces machines n'a tout à fait vu le jour, ben, tout n'est pas parti à la poubelle, parce que la publicité autour de la machine à différence ira jusqu'en Suède, où Georg Schütz se met à plancher sur sa propre version à partir de 1837, et donc lui, il va faire un calculateur différentiel en 1842, et sa machine fera la taille d'un gros piano, en fait, et sera vendue à partir des 1860 comme calculateur de table de logarithme aux États-Unis, par exemple. Donc, Babbage, c'est terrible, parce qu'il aura tout inventé, mais voilà, réalisé, il n'aura réalisé aucune des machines complètement auxquelles il a pensé, quoi. Ah, c'est là d'ailleurs où on mesure la force aussi des inventeurs, hein, c'est la capacité à mettre en œuvre leurs idées. C'est remarquable en tout cas de s'imaginer que l'histoire aurait pu prendre un autre tournant autour de la vapeur. Bon, l'histoire en a décidé complètement autrement. Allez voir hein, vraiment les liens dans les notes de l'épisode, allez voir les dessins, les vidéos, les différentes photos qui sont extraites de ces appareils, c'est captivant. Parfait, du coup est-ce qu'on met de côté Guillaume l'ordinateur à vapeur pour se rapprocher de choses qui sont doucement plus proches de ce qu'on connaît aujourd'hui? Oui, doucement effectivement. Relativement, voilà. Les machines à calculer mécaniques en fait sont la norme fin 19e et on en utilise pour les comptes, pour les calculs scientifiques. Il y a l'arithmomètre d'Audner en 1873 par exemple, il est commercialisé en 1890, il est cloné à l'infini. Il y a les calculatrices d'Alton, voilà, il en existera jusque dans les années 60 hein, quand même. Hein. Certains auront même un moteur électrique. Et finalement, c'est qu'au début du 20e siècle que l'électricité arrive avec ses moteurs et aussi ses nouveaux calculs à faire. Par exemple, déterminer combien de courant on pouvait espérer transmettre sur des longs câbles. Donc, il y a de nouvelles équations différentielles à résoudre, voilà, à foison, apportées aussi par la toute jeune mécanique quantique hein, à l'époque. Résoudre numériquement hein, une équation, ça pouvait prendre des semaines, en fait, parce qu'il fallait calculer effectivement toutes les valeurs en fonction de l'équation, ça devait être extrêmement complexe. Donc, ça pouvait prendre des semaines, et Vannevar Bush, il en a marre, voilà, il n'en peut plus. Vannevar Bush, c'est un Américain, et c'est un bidouilleur qui est très doué, fan de voitures à vapeur. Il est né en 1890, et il est professeur d'ingénierie électrique au MIT en 1925. Et il lance un projet pour fabriquer une machine électromécanique pour multiplier et intégrer des équations. Alors, bah, fin 1928, il avait un concept qui marchait déjà hein, et qui lui a donné les fonds d'ailleurs pour produire une machine encore plus grosse qu'il appelle l'analyseur différentiel. Donc, c'est une machine qui a inspiré d'ailleurs Douglas Hartree, un Anglais qui a fait la même chose avec des mécanos. Mais bon. Donc, la machine, en fait, elle utilise un système de roues sans dents pour faire du pas variable. Donc, il faut imaginer un disque plein qui tourne à l'horizontale et qui entraîne une autre roue placée perpendiculairement. Au plus la roue verticale est proche du centre, plus elle tourne lentement, au plus elle se décale vers la périphérie, au plus elle tourne vite. Donc, au total, si le disque à plat tourne de X et que la roue qui est au-dessus est placée à une distance Y du centre, ben, sa rotation, ce sera X fois Y, et donc on a fait une multiplication analogique. Et si on fait varier y continuellement, selon les valeurs qu'on veut, ben on peut faire des intégrales comme ça. Donc à l'époque, la machine impressionne, et on parle même dans les journaux de machine pensante, déjà, tu imagines. Alors qu'en fait, c'est juste un calculateur analogique. Et bon, en 1937, Vannevar Bush publie un article hein, sur la machine de Babbage et sur la possibilité de construire un analogue électromécanique. Et donc Bush, par la suite, va essayer de passer au tube à vide, pour accélérer les calculs, et avec sa machine arithmétique rapide, comme il dit. Ça ne verra pas le jour, mais globalement, c'est ce qui préfigure le projet ENIAC, en fait. Alors, Bush aura toujours joué les modestes, hein, mais en fait, finalement, ses concepts auront été très féconds pour la suite. D'ailleurs, très accessoirement, Vannevar Bush, c'est aussi le conseiller scientifique principal de Roosevelt, et c'est lui qui va organiser et superviser le projet Manhattan, donc le projet de la bombe atomique. Alors, quand on évoque l'ENIAC et les années 30-40, en fait, on se rapproche petit à petit de l'époque moderne et aussi la controverse qui accompagne la naissance de l'ordinateur, parce qu'il y a eu pas mal de machines, en fait, qui pourraient revendiquer le titre de premier ordinateur. Et tout ça a été progressif, finalement, de machine en machine. Alors, puisqu'on parle de machines électromécaniques, c'est peut-être le moment de parler du Mark 1. Donc, et tout ça, ça remonte assez loin, finalement, parce que il faut voir que le concept de carte perforée a été utilisé pendant très très longtemps, et que le concept de carte perforée date des métiers à tisser semi-automatiques. Des métiers à tisser, Jacquard, et c'est un Lyonnais en fait qui a inventé les cartes perforées en 1725. Il s'appelait Basile Bouchon. Et c'était pour donc coder les motifs des tapisseries, selon un concept qu'on retrouve aussi un petit peu dans les boîtes à musique d'ailleurs. Donc, Babbage se sert de ce concept, on se souvient, pour la machine analytique, il utilisait des cartes perforées qui sont là, issues donc du concept des métiers Jacquard. Et fin 19e, on s'en sert aussi pour divers trucs, en particulier pour les recensements. Donc en 1880, le recensement américain a pris 8 ans à être effectué à la main. et il est devenu obligatoire dans la loi d'en faire un recensement tous les 10 ans. Et avec une population qui augmente régulièrement et assez rapidement, un système automatisé, bah, ça serait super quand même. Parce que voilà, c'est une procédure complexe le recensement, il faut recenser selon le sexe, le statut marital, les enfants, etc. Il faut compter tout ça. Et donc pour automatiser tout ça, pour automatiser ce processus, il y a un gars qui s'appelle Hermann Hollerith, qui s'inspire des cartes perforées, mais au lieu qu'elles contiennent un programme comme pour les métiers à tisser, elles vont contenir des données en fait, âge, sexe et compagnie. Et donc pour le recensement de 1890, 100 millions de cartes ont été générées puis remplies, entre guillemets, hein, avec les données de chacun et passées dans une machine tabulatrice. Alors machine tabulatrice, tu passes ta carte perforée et après tu as des picots qui descendent. Donc s'il y a un trou, bah, le picot il passe à travers le trou et le picot il plonge dans un récipient de mercure qui est placé en dessous. Bon, le mercure c'est du métal, donc s'il y a un trou, bah, ça passe dans le mercure et le courant passe par ce picot. S'il n'y a pas de trou, bah, le picot il passe pas et bah, donc il n'y a pas de courant. Donc, c'est là vraiment le même fonctionnement que les métiers à tisser, mais un peu évolué en fait. Et voilà, et du coup, c'est, ben, tu sais, s'il y a de courant ou s'il n'y a pas de courant, ben voilà, c'est exactement ce qu'il y a sur la carte, tu l'as codé de manière électrique, tout simplement. Donc tout ça, ça a alimenté ensuite un accumulateur électromécanique, parce qu'on sait qu'on peut faire des accumulateurs maintenant mécaniques, donc on peut faire des accumulateurs électromécaniques, et en 1900, ben, on a utilisé aussi ce système pour faire le recensement avec succès. Donc Hollerith va breveter son invention, il va créer sa boîte, et il va y avoir une multiplication de compagnies qui font de la tabulation, donc tabuler des trucs, c'est-à-dire faire des cartes perforées, tabuler des cartes perforées, et ensuite les recenser, et les compter en quelque sorte. Et en 1911, il y a quatre boîtes de tabulation qui seront fusionnées pour créer une boîte qui s'appelle CTR. CTR, ça veut dire Computing Tabulating Record. Et dans les années 20, il y a des imprimantes qui sont rajoutées aussi à ce genre de trucs, etc. Il y a Bull qui rentre dans ce business de la tabulation. Et en 1924, CTR, je vous parle de CTR pourquoi ? Parce qu'en 1924, CTR va être renommé en IBM, International Business Machine, pour signifier l'extension donc de ses activités à l'international. Bon, extension parfois malheureuse, hein, puisqu'elle inclut des belles collaborations avec l'Allemagne nazie, hein, pendant la guerre. Le PDG de la filiale allemande d'IBM était un partisan hitlérien d'ailleurs, et d'ailleurs les relations commerciales avec l'Allemagne se sont poursuivies. Et en 1933, d'ailleurs, ils ont fait le recensement, un recensement en Allemagne qui a peut-être été utile pour identifier certains types de populations. Mais bon, c'est pas le sujet du jour, hein, on va dire. Donc, à cette époque-là, il y avait donc des machines mécaniques ou électromécaniques qui pouvaient effectuer déjà des calculs en masse. C'est ça le truc, c'est que tu fais du calcul massif, en fait. Quand tu fais un recensement, tu fais du calcul massif. Donc, la plupart du temps, tu peux faire des calculs aussi en recablant les machines. Tu peux aussi éventuellement changer un petit peu les calculs que tu peux faire. Donc, en faisant des recablages, tu peux changer les calculs. Les programmes, c'était les câblages, quelque part. Et les données étaient sur les cartes perforées, et les résultats étaient aussi imprimés sur du papier. Donc par exemple, si on prend un IBM 401 de 1933, c'est un truc qui pouvait tabuler 550 cartes par minute, par exemple. Et donc, dans ce contexte où les machines sont électromécaniques, on a des cartes perforées, on peut lire les trucs dessus, etc., on sait manipuler ce genre de trucs, il y a un gars qui s'appelle Howard Aiken, qui va créer l'ASCC chez IBM, et c'est une sorte d'extension des machines tabulatrices. Donc ASCC, ça veut dire Automatic Sequence Controlled Calculator. Et c'est un monstre de 765 000 composants, mêlant pièces mécaniques, relais et interrupteurs, qui pèse 4 tonnes et qui a été officiellement livré en 1944. Donc c'est une machine qui sera livrée à l'université d'Harvard et donc elle sera connue sous le nom de Harvard Mark I. Donc c'est un calculateur automatique qui lit les données et aussi les programmes sur deux cartes perforées, séparées. Enfin plutôt, c'est même plutôt des rubans perforés en fait. Et le truc fait furieusement penser à une machine de Babbage sous stéroïdes en fait. Il y a un axe mécanique de 15 mètres qui tournait pour synchroniser l'ensemble avec un gros moteur électrique. Il y avait une mémoire de 72 nombres de 23 chiffres. Et faire une multiplication, ça prenait 6 secondes. Une division, ça prenait 15 secondes. Et pour faire un sinus, il te faut à peu près une minute. Attends, ça, en fait. Oui, enfin, ça dépend combien de temps à faire, évidemment. Mais... mais donc, la machine ne sait pas faire de branchement. En fait, si tu veux faire une boucle, tu fais boucler le ruban du programme littéralement. C'est-à-dire que tu fais une boucle avec les cartes perforées. C'est ton ruban perforé, tu le fais boucler, et après, il passe, et ça fait une boucle physique, tout simplement. C'est marrant. C'est basique, mais c'est là-dessus que Grasshopper s'est formé à la programmation. Grasshopper a quand même une brillante carrière, hein. C'est elle qui sera à l'initiative de plusieurs langages, dont le COBOL. On en a parlé effectivement de Grasshopper lors de son décès, si je ne dis pas de bêtises. Et oui, elle est malheureusement décédée cette année. Donc le Mark 1 aura une descendance, hein, jusqu'au Mark 4 en fait, et le Mark 1, ben, est-ce que c'est le premier ordinateur pour autant ? Ça se discute. Et en plus, le Mark 1, c'est pas un ordinateur qui est produit en série non plus. Hein. Il marque pas le début de l'extrême dominance d'IBM sur le marché de l'informatique non plus. Parce qu'il va être extrêmement dominant dans les années 50 et jusqu'aux années 90, ça viendra plus tard. Ça, c'est une histoire très intéressante d'ailleurs, qui est intimement liée au papa d'IBM, qui s'appelle Thomas Watson, et au ratage commercial Descartes et Mauchly, qui voulaient transformer leur expertise sur l'ENIAC en un produit viable. Et qui n'ont pas réussi à transformer l'essai en fait, et qui seront finalement doublés par IBM. C'est au bon moment, on va en reparler, c'est vrai que c'est quand même très intéressant. L'ENIAC, c'est un nom qui est très connu, c'est souvent considéré comme le premier ordinateur digital. L'histoire est compliquée, et justement, j'aimerais bien en parler maintenant, parce qu'il y a une controverse assez rigolote et un procès dans les années 50 pour savoir qui de l'ENIAC ou de l'ABC a été le premier ordinateur fonctionnel, et la justice a tranché pour l'ABC. La justice américaine. En quoi il peut y avoir un procès pour savoir qui est le premier ? C'est complexe. À la limite, t'as un procès quand il y en a un qui embête l'autre, mais être le premier, tu vois. Non, mais ça, parce que c'est une histoire de brevet, bien sûr. On est aux États-Unis, et donc c'est une histoire de fric et de brevet. Ok, excuse-moi. Forcément qu'il y a un peu d'argent pour un procès. Évidemment, sinon. Mais même avant ça, en fait, hein, si dans l'ensemble, on connaît un peu tous ces noms, ENIAC, Mark 1, tout ça, bon, vaguement, c'est parce que c'est les noms qui sont de notre côté, en fait, du côté allié. Or, le premier ordinateur, il est peut-être né de l'autre côté, du côté de l'Axe, du côté allemand. Et en fait, il est peut-être né dès 1936, grâce au travail de Konrad Zuse. La guerre a joué un rôle important dans le développement des ordinateurs. Hein. Les nouveaux besoins en calcul simulent encore les recherches. Et puis, évidemment, il y a les trajectoires balistiques, le besoin de calculer les trajectoires balistiques qui va exploser lors de la guerre. Il y a des besoins de cryptanalyse aussi, qui ont été extrêmement importants, puisqu'ils ont conduit au Colossus, le Colossus anglais, près de Bletchley Park, où le travail de Turing et son équipe sont devenus légendaires. Il y a même eu un film là-dessus, hein, on en avait parlé. Le nom Mark 1, d'ailleurs, peut être une source de confusion, parce qu'on vient de parler du Mark 1 d'Harvard, aux États-Unis, mais aussi le Colossus Mark 1, qui est donc une machine anglaise. Qui sera opérationnel dès 43, et qui était le calculateur électronique binaire, avec une horloge à 5 kHz, et qui se programmait avec des interrupteurs et par câblage aussi. Donc, mais bon, le Colossus, comme la bombe de Turing, c'est un calculateur créé spécifiquement pour casser des codes secrets, en fait. Il n'est pas vraiment polyvalent, il n'est pas vraiment Turing complet. Mais Zuse, lui, par contre, de son côté, développe des machines assez sophistiquées qui seront virtuellement inconnues de l'Occident jusque vers 1950. Elles seront utilisées pour des calculs dans l'aviation principalement, mais voilà, elles n'ont pas changé le cours de la guerre. Peut-être heureusement, mais elles sont quand même notables. Alors, qui est Zuse ? C'est vrai, parce que c'est peut-être un nom un peu moins connu. Rien à voir avec l'alcool. Pas Suze, Zuse. Ce qui est dur à prononcer d'ailleurs quand on est habitué à parler de la Suze. Mais donc Zuse. Ouais, mais moi aussi, c'est pareil, je lis Suze dès que je vois le nom, c'est assez affreux. Donc Konrad Zuse est né en 1910 à Berlin. Et il avait des parents sympas, ce mec, vraiment très sympa. Parce que ouais, leur fils, c'est un petit génie, il est super fan du mécano, il bricolait toutes sortes de trucs et de machines qui pouvaient être plutôt encombrants. Zuse, en fait, il étudiait l'architecture au début et l'ingénierie civile. Et du coup, il est confronté à la masse de calculs que demande l'évaluation des contraintes sur les structures des bâtiments. Ce sont tous des systèmes linéaires, donc pas forcément compliqué en soi, mais c'est tellement long et répétitif que ça le saoule. Ça le saoule tellement qu'il se met à réfléchir à un moyen d'automatiser tout ça. Et en 1935, il va partir travailler dans l'aviation aussi. Et il aime bien, mais il n'y a pas moins de calculs dans l'aviation, hein, certainement pas. Donc du coup, en 1936, il se met à travailler sur ce qui deviendra le Z1, sa première machine. Alors le Z1, c'est vraiment un ordinateur artisanal, hein. C'est totalement mécanique. C'est construit dans le living room de ses parents. C'est très sympa, je vous dis, vraiment, ses parents. Désolé. Déjà, décidément, le mythe du garage a des origines bien plus profondes qu'on ne le pense. Ah, mais tu sais que c'est exactement ça. Hein, c'est l'Apple 1 fait dans le garage. C'est ça. C'est exactement pareil. Le Z1, il a été fait dans le living room des parents de Zuse. Comme quoi. Et il utilisait un petit moteur électrique et du film 35 mm comme support de carte perforée. Donc, en fait, tu perforais, c'est du film 35 mm, c'est du film de cinéma, hein, tout simplement, que tu perforais aux bons endroits. Mais le plus frappant avec le Z1, c'est qu'il utilise déjà le binaire. Et il est même capable de calculer en virgule flottante. Par contre, il faisait que des additions et des soustractions. Alors le binaire, c'est quand même une super idée. parce que ça simplifie énormément le design mécanique. T'imagines bien, plus besoin de roues dentées par centaines, quoi. Alors, pas simple à programmer, le Z3 était néanmoins Turing complet. Et le binaire a permis à Zeus, en fait, de réaliser le rêve de Babbage, alors qu'il n'avait même pas connaissance de ses travaux. Enfin, presque, parce que bon, le côté artisanal du Z1 fait que c'est une machine qui pétait en gros toutes les deux minutes. Ah. Et oui, donc Zeus a amélioré le Z1 en passant à des relais, donc des relais électromécaniques, pour le Z2, qui est devenu un ordinateur électromécanique et qui est calculé sur 16 bits à une vitesse de 5 cycles par seconde. Attention. Et bon, il pétait aussi toutes les deux minutes, mais par un miracle cosmique, il a fonctionné tout du long lors de la démo que Zeus a fait à Alfred Teichmann, qui est un ingénieur aéronautique qui a été suffisamment impressionné par le truc pour financer la troisième machine, le Z3 donc, que j'ai par inadvertance déjà mentionné en fait. Donc Teichmann va superviser le projet, il va le garder secret en fait, comme une sorte d'atout militaire pour l'aviation. Alors à l'époque, et peut-être fort heureusement pour nous, l'Allemagne n'a pas beaucoup d'intérêt pour les ordinateurs. Voilà, trop long à mettre au point, trop incertain, on ne sait pas trop à quoi ça sert. Bon. Donc, Zeus et Helmut Schreier, donc un de ses potes, ont proposé une machine pour la cryptographie quand même, donc un petit peu comme du côté allié, mais l'armée a jugé que ça prenait trop de temps, trop compliqué à mettre au point, donc ils s'en foutaient. Bon, malgré ça, en 1941, Zeus donc inaugure son Z3, un ordinateur à relais basé sur des portes logiques binaires qui est tout à fait Turing complet et qui est contrôlé toujours par un film à 35 mm. Le problème, c'est que le Z3 est très très lent quand même. Hein. Donc entre 3 et 5 secondes pour faire multiplication, une mémoire qui était que de 24 nombres de 22 bits, il a quand même été utilisé pour faire des calculs dans l'aviation. Et le ministère de l'aviation va même financer donc en 42, il va financer donc le Z4, et en 42, Zeus fonde sa compagnie, qui s'appelle Zeus Apparatebau. Et d'ailleurs, il faut noter que Zeus n'est pas vraiment un scientifique en fait. C'est un ingénieur, et ce qu'il cherche, c'est de commercialiser ses trucs. Il ne cherche pas à publier des articles de recherche, en fait. Hein. Il partage peu, il communique peu. Intellectuellement, il est très isolé. Même en Allemagne, en fait, hein, ce n'est pas le même profil que Turing ou von Neumann. Tu vois, pas du tout. Donc, voilà. Donc après le Z3, il y a le Z4, qui est en partie électronique, qui est un peu plus rapide, avec plus de mémoire, et qui a été utilisé pour des profils d'ailes d'avion, globalement. Mais c'est vrai que les Allemands n'étaient pas super intéressés par les ordinateurs. Alors l'histoire du Z4, elle est assez rocambolesque, parce que tous ses grands frères, le Z1, le Z2, le Z3, ont tous été détruits hein, par les bombardements. Mais Zeus, qui sentait la fin arriver, a carrément déménagé le Z4 et l'a emporté avec lui. Alors ça rentre pas dans une valise, le Z4, hein, mais dans un camion, ouais. Donc il a pris un camion, tout foutu en vrac dans le camion, et il l'a baladé vers le sud de l'Allemagne, comme ça, il s'est baladé un peu partout, en fait, en compagnie de tu sais qui, Werner von Braun. Et oui, et une brochette d'ingénieurs donc qui vont bientôt intégrer les labos américains pour fabriquer les fusées, hein, on sait bien. Et donc, finalement, après toutes ces pérégrinations, il s'est posé à Hinterstein, dans les Alpes, et il a caché le Z4 dans un grenier, au milieu des caisses de pommes. Et les locaux ont remarqué un truc un peu bizarre, et quand ils ont vu le machin, ils ont pris peur, ils se sont dit « Mais putain, mais c'est quoi, c'est une arme secrète d'Hitler, qu'est-ce qui se passe ?» Et finalement, il s'est expliqué, puis il a été pris par les alliés aussi, mais bon, voilà, il a fini par s'expliquer, on a très vite compris que c'était assez inoffensif, donc il a été libéré, et après il s'est installé à Zurich, et c'est d'ailleurs là que l'ETH Zurich, c'est l'institut de maths appliquées en fait de Zurich, qui va acquérir le Z4, et qui va s'en servir jusqu'en 1955. Et le Z4 existe toujours. Ouais, donc c'est peut-être le plus vieil ordinateur qui a survécu. Et il est dans un musée à Munich. Au passage, juste, on est quand même sur des histoires où systématiquement les parents sont très gentils parce que permettre la construction du Z1 dans le salon, c'est quand même très gentil de la part des parents. Moi, je n'aurais pas cette patience. Tu vois. T'as vu la photo d'un Z1, toi? Oui, c'est ça, je regardais en même temps et je vois que c'est quand même à la fois pas forcément... Alors, ça peut être sexy pour les amateurs d'informatique et de mécanique. Dans un salon, il y a plus sexy, quoi, je pense, pour l'époque. Et puis, c'est un peu encombrant quand même. Mais bon. Et du coup, ça nous amène à ABC. Et oui, parce que voilà, même après tout ça, Zeus n'est pas officiellement reconnu comme le père des ordinateurs, hein, donc le jugement était rendu en 1973 en fait, et donc cet honneur revient à John Vincent Atanasoff, et le plus beau, c'est que ce procès n'a jamais opposé Atanasoff et Zeus en fait, mais Atanasoff à Eckert et Mölkky, qui ont conçu l'ENIAC. Alors, Zeus, comme on l'a dit, Zeus. C'est marrant quand on prend les mots comme ça, un par un, c'est compliqué. Hein, oui, oui, oui, tout à fait. Mais on va tout expliquer, il n'y a pas de souci. Donc, Zeus travaille dans son coin, en fait, hein, comme on l'a dit. Bon, maintenant, il est reconnu en Allemagne quand même, hein, mais aux US, on se bat pour des histoires de brevets et de gros sous. Tu vois, et pas vraiment que de reconnaissance, encore plus même que de gros sous, que de reconnaissance pour la postérité. Mais bon. On va revenir à John Atanasoff. Alors, à la base, c'est qui, lui, John Atanasoff? C'est un physicien qui fait de la physique théorique. Et, bon, bah, c'est classique, hein, vous êtes habitués maintenant. Il doit résoudre des équations de monstres. Ça prend la vie des rats à faire à la main. Il n'en peut plus. Et pourtant, il a à sa disposition des étudiants de thèse à exploiter gratuitement. Mais bon, même avec ses esclaves personnels qui utilisent des calculateurs analogiques de l'époque, comme ceux de Vannevar Bush, bah, ça reste très long. Donc, John, après mûre réflexion, il se met en tête en 37... de construire une machine avec quatre caractéristiques principales. Déjà, elle doit être électronique. Alors, je sais, aujourd'hui, ça paraît vraiment très, très la base, quoi. Électronique, ben ouais. Mais non, parce qu'en 1937, c'est révolutionnaire. À l'époque, on utilisait des relais, des éléments électromécaniques, parce que c'était fiable, c'était bien connu. L'électronique en était à ses balbutiements. N'oublions pas que le transistor n'a été inventé que 10 ans plus tard. Donc, à l'époque, on utilisait ce qu'on appelle des tubes à vide, des ampoules. Mais c'est ça, c'est ni plus ni moins que des ampoules, les tubes à vide. C'est des ampoules avec un filament et tout, pareil, comme une bonne vieille ampoule que tu trouves encore chez mamie. Hein. Mais il y avait quand même un truc un petit peu plus que chez mamie dans ces ampoules, c'est qu'elles avaient 3 électrodes et pas 2. Donc au-dessus du filament, il y avait une grille, et encore au-dessus de cette grille, il y avait une plaque de métal. Quand le filament est alimenté, ça chauffe. Ça c'est classique, hein, vous allumez la lumière, ça chauffe, et ça crée un nuage électronique. Les électrons ont envie de bouger. Voilà, ils en peuvent plus, ils ont envie de bouger, ça chauffe. Et quand il y a un potentiel sur la plaque du haut, donc qui est l'anode, hein, ça attire les électrons devenus libres et ça crée un courant. Et la plaque qui est au milieu, elle est là pour favoriser ou empêcher ça. Et donc le tout se comporte globalement comme un transistor. Ouais. Les petites variations de potentiel sur la grille provoquent de plus grandes variations entre les bornes. Alors vous me direz, mais c'est génial, du coup il n'y a pas besoin de transistor. Et en théorie, c'est vrai. Mais en pratique, bah, les tubes, c'est des plaies, c'est affreux. Parce que déjà, bah, c'est forcément assez gros et assez fragile, hein, c'est quand même des ampoules en verre, évidemment. Et puis, bah, comme les ampoules, bah, ça grille, effectivement, ça claque régulièrement, ça claque même assez vite. Et puis, évidemment, bah, ça chauffe beaucoup. Hein, vous le savez, si vous avez des ampoules chez mamie, vous savez que ça fait de la lumière, mais ça fait quand même surtout de la chaleur, quoi, les ampoules. Ouais. Donc, encore une fois, si votre lustre a 3 ampoules, bon, bah, y a pas trop de soucis. Mais si t'en as 6000 pour un ordinateur, t'imagines le chauffage t'imagines ce que ça fait, quoi. Moi qui me plains de la consommation des GeForce, tu parles. Oui, effectivement, l'optimisation, elle est pas géniale. Donc tout cet aparté, là, pour bien comprendre que non, en 1937, utiliser l'électronique, ça ne va pas de soi, ça n'a rien de naturel. Cela dit, c'est certain que si un relais est fiable, ben, il est infiniment plus long à la détente qu'une ampoule. Et donc pour Atanasoff, passer au tube, ça vaut le coup. Alors, de manière tout aussi iconoclaste, il veut travailler en binaire, comme Zeus, en fait. Pourtant, la plupart des machines de l'époque sont analogiques, et là encore, donc, le digital, le fait de travailler en digital, ne va pas de soi. Le design est binaire, c'est parce que c'est plus simple. De même que de faire une machine sérielle, en fait, qui va traiter un bit à la fois, c'est sa troisième idée. Et enfin, il veut utiliser des condensateurs pour la mémoire, et là encore, c'est super audacieux, parce qu'un condensateur, c'est un truc qui se prend en courant, il conserve une charge, mais pas très longtemps. Donc spontanément, il va perdre sa charge assez vite. Sauf si on lui rafraîchit la mémoire régulièrement. Et Atanasoff comptait faire ça avec un mécanisme qui en fait rappelle ce qu'on trouve aujourd'hui dans la RAM DDR moderne, puisque la RAM moderne, effectivement, c'est exactement pareil, il faut la rafraîchir plusieurs fois par seconde, sinon les données s'en vont. Donc, John, il pense à tout ça. John, il est intelligent, il est gentil, mais il sait pas comment faire. Donc, il va collaborer avec un autre gars qui va lui savoir, il s'appelle Clifford Berry, et ils vont essayer de mettre tout ça en œuvre. Et donc, en 1939, ils font la démo d'un prototype de l'ABC, qui veut dire tout simplement Atanasoff Berry Computer. L'université de l'Iowa leur octroie même une bourse pour continuer tout ça, et l'ABC, dans cette version, a déjà 800 ampoules. Et stocke ses données sur des tambours en bakélite qui tournent. Les condensateurs qui sont dessus, en fait, sont rafraîchis à chaque passage du tambour. Donc c'est comme la DDR de l'époque, hein, tout simplement. La capacité mémoire est autour de 1,5 kilooctets. Ça fait des additions ou des soustractions, et les données sont fournies par carte perforée, encore une fois. Alors ça partait bien. Malheureusement, l'ABC n'a jamais été terminé, lui non plus. Et oui, son développement était interrompu par les guerres, en fait, hein, tout simplement. Et du coup, il n'a jamais résolu la moindre équation. Atanasoff a été mobilisé dans la division acoustique de la Navy, Et à ce stade, il est important de savoir qu'Atanasoff connaissait Presper Eckert et John Mauchly, qui sont les créateurs de l'ENIAC. Ils étaient dans le même département à la Navy. En 1940, Atanasoff a même discuté avec Mauchly après un séminaire sur les machines analogiques. Mauchly et son fils ont rendu visite à Atanasoff en 1941. Ils ont resté 5 jours chez lui. Donc Mauchly, il a vu l'ABC. Il a même demandé des plans, mais Atanasoff a refusé parce qu'il voulait déposer un brevet. Ça l'a inspiré. Il a eu envie de faire un truc dans le style. Et oui, alors c'est là que les sons de cloche diffèrent. Parce que pour Atanasoff, Mauchly a été fasciné par le proto de l'ABC. Pour Mauchly, même si l'usage de l'électronique lui paraissait intéressant, l'ABC était trop lent et n'utilisait pas de bascule, alors qu'ils utilisent des bascules pour l'ENIAC. Bon. Bascule, c'est un circuit qui a deux états stables et dans lequel, du coup, on peut stocker un bit d'information. Alors, bien plus tard, en 1954, tout ça est allé devant les tribunaux à l'initiative d'IBM. Pourquoi ? Ben, pour mettre des bâtons dans les roues d'UNIVAC, bien sûr. Mais bon, pour bien comprendre, il faut parler de l'ENIAC et de ses créateurs. Alors, l'ENIAC. Oui, l'ENIAC. Donc, on est au tout début de la Seconde Guerre mondiale. Hein. Donc, tout le monde doit calculer plein de trucs, en particulier où un obus doit tomber. Alors, ça paraît simple, hein. Mais il y a quand même pas mal de paramètres, et surtout, ça fait énormément de tables et énormément d'entrées dans ces tables. Donc, pour calculer ces tables balistiques, il faut des gens, des armées de calculateurs, des calculateurs humains. Et oui, pour faire une table, et donc pour des valeurs de paramètres spécifiques, il faut à peu près 3 mois de travail à 150 personnes, avec des aides analogiques. Hein. Et donc, il y avait un labo pour ça, hein, qui s'appelait le US Ballistic Research Laboratory. Et à cette époque, John Mauchly, il est mathématicien à l'Université de Pennsylvanie, et il travaille au département d'ingénierie électrique, et il s'intéresse fort aux tubes à vide, pour accélérer les calculs, justement. Donc lui, il hésite encore entre analogique et digital, parce que analogique, c'est plus simple. En fait, les nombres sont encodés directement dans des quantités physiques, si tu veux. Le digital, par contre, c'est plus précis, parce que du coup, il n'y a pas de problème d'approximation. Un nombre, c'est un nombre, quoi. Et donc, avec un collègue qui s'appelle Prosper Eckert, ils se mettent à essayer quand même de faire un calculateur avec des tubes à vide, et ils veulent l'appeler l'ENIAC pour Electronic Numerical Integrator and Calculator. Bon, raisonnablement, l'ENIAC n'aurait pas dû être construit, en fait, hein, parce qu'il était tellement monstrueux que sans la motivation de doubler l'adversaire pendant une guerre, je ne sais pas si on se serait lancé en 1943, hein, dans la construction d'un truc qui a 18 000 ampoules et qui consommait 150 kW. L'énergie de la guerre amène à des ressources insoupçonnées, quand même. Et oui, parce qu'il a été construit et il a marché. Mais par contre, il est sorti en 1945. Donc l'ENIAC est littéralement arrivé après la guerre. Dommage. Et il a tenu ses promesses. Dommage, je me comprends. Peut-être dommage, effectivement. En tout cas, il a tenu ses promesses. Hein. Il faisait une addition en 0,2 millisecondes. Ah la vache, ouais, ça, on est tout de suite sur des ordres de grandeur très différents de ce qu'on avait avant. Exactement, et il pouvait tenir 20 heures sans tomber en panne. Ah oui. C'est quand même fabuleux. Ouais, génial. Mais pas beaucoup plus. Alors changer les ampoules, en fait, ça faisait partie du boulot des opérateurs de l'ENIAC. Hein. Mmh. C'était la routine totale. L'entretien. Voilà, la différence hardware-software a été vraiment pas claire à l'époque. Hein. L'ENIAC, c'était une sorte de collection de circuits logiques qu'on pouvait connecter un peu comme on le voulait en rebranchant physiquement les trucs, les panneaux les uns aux autres. Donc programmer, c'était recâbler. Ça pouvait prendre des jours à faire tous les recâblages. C'était tellement compliqué que ça prenait des jours et des jours. Alors à l'époque, ça choquait personne, hein, notez bien. C'était normal. Tu veux dire, oui, ok, où est le problème ? Le Mark 1, il faisait pas mieux, hein, du tout. C'est exactement la même chose. Mais l'ENIAC est digital, alors que le Mark 1, la machine Daiken dont j'ai parlé au début, elle utilisait des relais. Donc l'ENIAC est électronique, alors que le Mark 1 était électromécanique. Alors, détail rigolo, il est digital, mais pas binaire. L'ENIAC fonctionnait en décimal. C'est fou, hein. Donc il utilisait des nombres décimaux et pas des nombres binaires. Donc, et c'est un écho historique assez dingue, en fait, parce que l'ENIAC utilisait des compteurs électroniques, mais des compteurs quand même, qui étaient basés sur plusieurs bascules enchaînées. Et ces compteurs, en fait, ils agissaient exactement comme des roues. C'est-à-dire qu'elles comptaient jusqu'à 10, les compteurs comptaient jusqu'à 10 et revenaient à 0. Et pour un compter, peu comme la pascaline, en fait, quelque part. Exactement. Pour compter, l'ENIAC utilisait des compteurs enchaînés pour les retenues, et il faisait une addition, en quelque sorte, en faisant tourner ses roues le bon nombre de fois, exactement comme la machine à différence de Babbage, mais en version électronique. Donc, l'ENIAC a été en retard pour la guerre, mais il a quand même été utile, il a fonctionné 10 ans. Et il a été utile pour faire des calculs pendant le développement de la bombe H, la bombe thermonucléaire, c'est quand même pas rien. Alors, il a aussi beaucoup capturé l'imaginaire du public, il faut dire, parce que c'était, il faut voir ce que c'était, hein. C'était le truc ne rentre pas dans ta maison, quoi. C'était un truc absolument monstrueux, taille énorme, il y avait des lumières de tous les côtés, et il a calculé à une vitesse prodigieuse. Rends-toi compte, il a réussi à simuler la trajectoire de nos buts en 20 secondes, il a calculé la trajectoire de nos buts en 20 secondes, donc il y a 20 secondes, il savait où il allait taper, alors que l'obus lui-même a mis 30 secondes à arriver à destination. C'est génial. Enfin, c'est génial. Encore une fois, prenez avec des pincettes mes réactions enthousiasmées quand on parle de guerre et d'armes. C'est juste, voilà, la comparaison des deux durées. Est quand même non, mais c'est vraiment extrêmement. Non, mais c'est extrêmement intéressant parce que ça, c'est un calcul qu'on peut faire un milliardième de seconde sur une montre à l'heure actuelle. Hein. Ouais. Mais tu imagines l'impact que ça a eu à l'époque, parce qu'à l'époque, ça voulait dire que la simulation est allée plus vite que la réalité. Oui. Et donc, il y a un tournant là-dessus qui est vraiment pas très, du très, tout très important. Acquis, effectivement. Donc, l'ENIAC, est-ce qu'il est le premier ordinateur? Il est très différent, évidemment, structurellement, même des machines modernes. Il faut le reclaber pour le programmer, quand même. Et on ne peut pas stocker un programme, von Neumann, mais non, on ne peut pas stocker un programme, en fait. Il faut le recâbler. Donc, du coup, il n'y a pas de programme stocké, ça viendra après. Et ça, c'est aussi une grosse amélioration qui est due à von Neumann. Donc, von Neumann, c'est un mathématicien extrêmement connu, hein, et qui va participer au projet ENIAC avec ses créateurs. Il va aussi ébaucher ce qui deviendra son successeur, Leadvac. Et en fait, Leadvac est vraiment intéressant parce que c'était un ordinateur avec un stockage des données et des programmes externes. Donc c'était un ordinateur plus moderne en quelque sorte, plus conforme à ce que nous on connaît. Et c'est un truc qui est livré en 1949. Et Leadvac, ça veut dire Electronic Discrete Variable Automatic Computer. Donc au-delà du fait que c'est vraiment pas sexy comme nom, on sent bien que c'est un truc pour les mathématiciens, pour les scientifiques, tu vois, c'est vraiment pas un truc commercial, c'est un truc, oulala, voilà, c'est... Y a, en aucun cas, on pensait qu'un particulier pourrait avoir envie d'avoir un ordinateur, mais c'est vraiment... C'est un petit peu encombrant, de toute façon. C'est ça. Donc Leadvac avait une mémoire de 5,5 kilooctets, il utilisait 12 000 diodes et 6 000 tubes, donc on commence à avoir un peu plus d'électronique. Il était dans la sobriété, hein, il consommait que 56 kilowatts. Bon, il pesait presque 8 tonnes quand même, hein. C'était quand même pas mal. Et ce qui est marrant avec Leadvac, c'est que Eckert et Mölkky se sont barrés avant la fin des travaux. Donc il a été construit à l'université de Pennsylvanie, et l'université de Pennsylvanie, elle est maline, elle voulait que toutes ses inventions soient brevetées sous son nom. Donc en fait, elle récupère les brevets, elle les revend et tout, bon, elle se fait un petit peu de pognon comme ça. Mais les deux gars, là, Eckert et Mölkky, ils ont refusé de céder leurs droits, et ils sont partis fonder leur propre boîte, qui s'appelait à l'époque, hein, The Electronic Control Company, voilà. Compagnie contrôle électronique. Et là encore, l'histoire se répète, hein, puisque comme Hollerith en son temps, ils sont allés voir le bureau du recensement américain pour leur première commande. Parce qu'à l'époque, le recensement 1950, il arrive à grands pas, et on utilise toujours le système de tabulation. Je vous ai parlé, qu'on utilise depuis 1900. Il y a déjà un progrès en son temps, mais exactement. Il fallait peut-être faire évoluer, du coup. Donc la tabulation, c'est super, mais bon, 1950, ça devient un poids limite avec la population de l'époque aux États-Unis. Et donc leur bureau, le bureau, là, il leur commande un truc, un calculateur qui s'appelle l'Univac. Donc en 1946, le bureau du recensement commande le premier Univac pour 350 000 dollars. Univac, c'est Universal Automated Computer. On commence à être un petit peu plus simple, un peu plus évocateur. Et c'est sans doute le premier ordinateur commercial de l'histoire. Voilà, c'est pas un truc qui est fabriqué dans un labo par des scientifiques. Non, c'est un truc industriel. Alors, au total, il va avoir 4 clients. C'est génial, c'est inespéré. 4 clients, c'est fou. Et ils vont se lancer dans le stockage sur bande magnétique aussi. Et ça, c'est vraiment révolutionnaire pour le coup. Est sexy, il est sous la forme d'un bureau quand je regarde les images. Pas du tout. Je me trompe alors. Non, mais c'est pas ça. Mais ça c'est juste la console. L'Univac, c'est la pièce qui est autour. Ah d'accord, ok. Parce que je me disais, il paraît super compact par rapport aux ordinateurs et même. Non. Okay. Non, il faut bien se rendre compte qu'à l'époque, vous n'avez pas un ordinateur, vous êtes dans l'ordinateur. C'est-à-dire rentrez dans une immense pièce, et dans cette immense pièce, vous avez les composants de l'ordinateur tout autour de vous. Vous êtes à l'intérieur de l'ordinateur. Donc l'Univac, c'est une pièce entière. Ceci étant, l'approche de la console, c'est déjà une première étape dans l'expérience de l'interface homme-machine, quelque part, non? Oui, mais il fallait bien une interface. Donc y a, en fait, dans un ordinateur de l'époque, tu as toujours... donc l'imprimante qui sort les résultats, et puis tu as toujours le... Bon, à l'époque, je sais pas si tu avais déjà un clavier avec un télétype, mais tu avais forcément toujours les lecteurs de cartes perforées, Tu avais les perforatrices probablement aussi qui venaient avec. Donc voilà, tu avais, disons, divers périphériques en fait, hein, qui étaient voilà, intégrés dans la pièce où il y avait l'ordinateur, et chaque armoire était une partie des composants de l'ordinateur. Et donc l'UNIVAC a cette tronche-là, donc les bandes magnétiques, ça commence là d'ailleurs. Et bon, industriellement, bah, ça a été une catastrophe. Je suis désolé, eh oui. Parce que l'Electronic Control Company enquille problème, sur retard, sur dette, et elle finit dans la sauce, complètement. Donc elle sera rachetée par Remington en 1950, et donc UNIVAC débarque quand même, enfin, ça c'est quand même fort, mais en 1951, c'est dommage. Alors, c'est quand même un succès médiatique, parce que il s'est passé un truc assez marrant. L'UNIVAC a fait la une des journaux en 1952, parce qu'il a prédit, entre guillemets, la victoire d'Eisenhower. Alors à l'époque, il y a Eisenhower Stevenson qui était donc en course pour la Maison-Blanche, et Stevenson était le grand favori en fait. Et on a utilisé un UNIVAC pour calculer les résultats partiels beaucoup plus vite que d'habitude. D'accord. Et en fait, l'UNIVAC a donné Eisenhower gagnant et personne n'y a cru. Et quand on s'est rendu compte que vraiment Eisenhower a gagné, que l'ordinateur avait eu raison sur les humains qui lui avaient donné tort, ça a énormément frappé l'imagination. Donc voilà, donc l'UNIVAC donc était commercialisé par Remington et ça aurait pu devenir le premier titan de l'informatique à Remington. Sauf que non. Décidément, on les a tous passés en revue, les candidats possibles. Mais... Et non, c'est une autre boîte qui va réussir à tirer son épingle du jeu, qui s'appelle IBM. Et tout ça, ça, c'est vrai que c'est quand même grâce au flair de son président, Thomas Watson. Justement, on enchaîne avec IBM et Thomas Watson, du coup. Oui, parce qu'il faut revenir sur IBM pour conclure un peu cet épisode, parce que son président de l'époque, c'est vraiment un sacré numéro. Alors, le premier président d'IBM, il est né en 1874, c'est un génie des affaires et c'est un génie de la vente. C'est un vendeur hors pair. Bon marketeur. C'était un marketeur de fou furieux. Il a commencé comme vendeur itinérant de machines à coudre et de caisses enregistreuses. Il était incroyablement doué. Il est d'ailleurs devenu le chouchou du patron de NCR, qui était la boîte de l'époque. C'est une boîte qui a fait fortune, parfois en s'arrangeant un petit peu avec la légalité. Ah. Et ça a coûté assez cher, d'ailleurs, puisque il y a eu des poursuites judiciaires, Watson a été poursuivi aussi, mais bon. Donc, Watson se retrouve viré à 40 balais, et en 1914, il prend la tête d'une autre boîte, qui est en train de couler complètement, et qui fait de la tabulation. Donc, à l'époque, souvenez-vous, les machines tabulatrices sont les raids de de l'automatisation, de l'industrie de l'information de l'époque. Cette boîte, elle s'appelle CTR, qu'on a déjà évoqué, c'est Computing Tabulating Recording. Record, un beau truc comme ça. Bon, fort de son expérience dans les caisses enregistreuses et son talent pour le business en général, il va redresser la boîte. Et en fait, on a déjà dit qu'il allait la renommer IBM en 1924. Mmh. Donc, tout va bien, c'est cool, mais il veut aller encore plus loin et il veut mécaniser le monde. Il a vraiment une vision Il a une vision il est assez visionnaire et puis il veut surtout faire beaucoup beaucoup de pognon, tu vois. Et donc mécaniser le monde et donner des machines à tout le monde, créer la demande évidemment, c'est la manière de faire beaucoup de pognon et donc il veut devenir le roi de la machine. Et bon, justement, en 1929, il rencontre un gars qui s'appelle Benjamin Woods, qui est enseignant à Columbia et qui a besoin d'automatiser les corrections des résultats des tests. Des tests, des examens, ça aussi c'est casse-pied quoi. Il y a énormément d'étudiants, il faut faire beaucoup de tests, donc il y a énormément de trucs à faire. Et donc on peut essayer d'automatiser un petit peu ça. Et alors Watson, il voit une énorme opportunité et donc il ne va pas lésiner. Et donc l'université de Columbia va se mécaniser, tout va se tabuler dans tous les sens, il va y avoir des cartes perforées dans tous les sens qui vont servir un petit peu à tout. Mais Wood, il pense qu'on peut aller plus vite en utilisant de l'électricité et de l'électronique. Et donc, il est engagé chez IBM, et la collaboration avec Columbia débute là, et elle va se prolonger pour IBM, d'ailleurs, dans le département astronomie et tout ça. Et finalement, ce sont de ces recherches c'est avec ces recherches, si tu veux, que va commencer l'étude pour le Mark 1, dont on a déjà parlé, sur lequel Howard Aiken a commencé à travailler à partir de 1936. Mais IBM ne s'est pas arrêté là, du tout. En 1946, ils sortent le SSEC, qui est un petit peu plus puissant que l'ENIAC, et qui est aussi plus gros, et qui est encore électromécanique. Et donc, à l'époque où Moltke et Eckert étaient dans la sauce, ils sont allés voir IBM pour leur demander de l'aide. Et IBM a refusé, parce que Watson était persuadé d'avoir de l'avance. Et du coup, ils sont allés voir Remington, et c'est là que l'UNIVAC est né et sorti en 1951. Alors que l'IBM 701, lui, est sorti en 1952, et il était moins sophistiqué. Donc IBM s'est manqué, tout simplement, parce qu'ils auraient très bien pu avoir l'UNIVAC, mais ils ne l'ont pas eu. Étonnamment, le 701 se vend bien quand même. Et ils vont même en louer une vingtaine. Alors, c'est injuste, mais c'est comme ça. Le 701, il est plus vieillot, mais il est aussi plus familier pour les gens. Parce que les gens, ils ont l'habitude des trucs un peu vieillots. Quand tu leur finis un ordinateur un peu vieillot, ben, la clientèle, finalement, ben, elle trouve que c'est pas mal et ça devient un truc plus, tu vois, plus progressif et c'est pas mal. Mais bon. Décidément, les psychologies à ce sujet ont bien changé. Mais bon. Non, c'est assez rigolo. Et le 701, finalement, ça devient un peu le premier ordinateur d'IBM. Bah, qui devient une boîte d'informatique. Ça y est, à l'époque, en 52, ça devient une boîte d'informatique. Donc à l'époque, l'automatisation et la naissance de l'informatique fascinent autant qu'elle panique. Hein. On imagine déjà des cerveaux mécaniques à l'époque, des robots qui remplacent les humains. Je me demande où est-ce qu'ils vont chercher tout ça. ce qui est sûr, c'est que l'informatisation, c'est une tendance qui est quand même assez nette. Et IBM le sait, et il n'est pas en position de leader technologique. En 1952, Remington prépare un Univac 2, et eux, ils ne sont pas au niveau. Et donc, c'est dans ce contexte qu'un jour de 54, il y a un avocat d'IBM qui contacte Atanasoff concernant le brevet de Moltke et Eckert sur l'ordinateur digital. Mmh. Et en fait, c'est pour mettre des bâtons dans les roues de la lignée d'Univac qu'IBM va aider Atanasoff à obtenir réparation, entre guillemets, et par la même occasion, annuler des brevets qui auraient pu le gêner. Donc la procédure, en fait, a été d'une longueur absolument incroyable, puisque le cas n'est passé à la cour qu'en 1970. Ah oui, effectivement, ouais. Ah oui. Dans l'intervalle, en 63, Berry s'est même suicidé, d'ailleurs. Ouais. Finalement, en 73, le verdict donne raison à Atanasoff. C'est lui l'inventeur de l'ordinateur digital, et les brevets sont annulés. Et ça n'aura servi strictement à rien, parce que IBM, dans l'intervalle, était déjà devenu un titan de l'informatique grâce à Thomas Watson Jr. Parce qu'en 1955, c'est le moment pour Thomas Watson de laisser la place à son fils, qui s'appelle donc Junior, hein, Thomas Watson Junior. Ça, c'est pratique, ça, pour nous. Ouais. C'est très, très pratique. Alors, Junior, c'est un roman à lui tout seul. Il a une vie vraiment rocambolesque, tantôt boy scout, tantôt playboy dans les années 30, tantôt pilote de chasse dans l'armée. Il a fini par revenir chez IBM, où il sera patron de la branche internationale, puis PDG. Et Junior, il est joueur. Enfin, il aime bien le risque. Hein. Pas froid aux yeux, parce que début 60, il va faire le plus gros pari de sa vie. Et de la vie de la boîte, hein, puisqu'il va parier son slip sur un projet à 5 milliards de dollars, qui s'appelle IBM 360. Son slip. Ah ben, c'est quasi ça. Le slip de sa boîte, carrément. Je veux dire, sa boîte, si elle perd ça, elle n'a plus de slip, c'est fini, ils sont à poil. Donc, ça va nécessiter quand même 5 usines supplémentaires dans le monde entier, pas moins de 60 000 nouveaux employés. Pour l'époque, c'est une folie totale. C'est un budget qui est supérieur. Oh, même aujourd'hui. Même aujourd'hui. Non, mais attends, à l'époque, c'est supérieur au budget de développement de la bombe atomique. Quoi. C'est un truc de fou furieux. Mais c'est parce qu'en fait, l'IBM 360, c'est pas juste un ordinateur. C'est toute une gamme de machines pour des entreprises de toutes les tailles. En fait, c'est un système modulaire de machines, de processeurs et de périphériques qui sont compatibles entre eux et qui s'adaptent à tout, aussi bien aux calculs scientifiques qu'aux autres business. Parce que c'est fondamental, en fait. L'informatique va devenir une commodité. Elle n'est plus réservée aux universités ou à la NASA. Hein. Elle va s'ouvrir au business avec un grand B. Et ça, c'est un marché monstrueux qu'IBM veut capter avec la ligne 360. Et ça a failli rater, d'ailleurs. Oh. Parce que d'emblée, le projet comprenait déjà 6 processeurs à mettre au point en même temps. Il a fallu tout faire de zéro, les machines, les normes, les périphériques, les logiciels système. John Backus, d'ailleurs, qui est l'inventeur du Fortran, estimait que c'était trop ambitieux qu'il n'y arriverait jamais. Le système, qui s'appelle OS 360, était particulièrement en retard. En 1963, ils ont bien cru qu'il n'y arriverait pas. Et en fait, pour être honnête, ils n'y sont pas arrivés. Si les machines sont sorties en 64, en fait, c'est qu'en 65 qu'elles ont commencé à être fiables, disponibles en quantité, etc. Mais bon, un modèle 30, donc le plus petit de 1964, donc de cette lignée, avait une mémoire de 8 kilooctets, et il traite typiquement quelques dizaines de milliers d'instructions par seconde. Et surtout, il introduit des concepts familiers. Donc, il standardise l'usage de l'octet, et voilà. Donc, la mémoire s'adresse octet par octet. Il établit un format de nombre flottant, l'usage des bandes magnétiques. Globalement, bah, c'est une machine moderne, entre guillemets, hein, avec ses 16 registres, ses interruptions et tout le tutim. Il y a un bus standard pour tout connecter. Ça préfigure l'ISA, le PCI, le SCSI et compagnie, hein. C'est juste que l'ensemble de la machine peut toujours peser plusieurs tonnes et que bah, c'est toujours une pièce entière dans laquelle tu te balades. Quoi. Tu es dans la machine, littéralement. D'ailleurs, un dernier détail technique sur le 360, la machine n'utilise pas de circuit intégré. À l'époque, il n'y a pas de circuit intégré. Enfin, les premières machines, ça arrivera fin 69, les circuits intégrés. Durant le développement, qui a débuté début des années 60, hein, Les circuits intégrés sont très nouveaux. Ils viennent d'être inventés. Ils ne sont pas considérés comme suffisamment fiables. Donc ouais. IBM fabrique ses propres circuits, composant par composant, qu'il intègre lui-même sur des cartes qui s'appellent SLT, qu'il appelle des cartes SLT, c'est pour Solid Logic Technology. Donc c'est des cartes qui s'enfichent dans des racks, et ces racks forment des armoires, et il faut plusieurs armoires pour faire un processeur. Voilà, c'est ça le niveau d'intégration des années 60. Hein. Donc un processeur, c'est un mur. Il est sur le mur, le processeur. Donc le 360, c'est un succès colossal. Avec ça, IBM va capter tous les marchés. Donc il devient le standard de fait de l'informatique des années 60-70. Alors voilà, c'est pour les banques, les hôpitaux, les laboratoires privés, publics, c'est partout. En plus, Junior, il a hérité du flair commerçant de son père, et il facture les processeurs en fonction de leur puissance, et pas en fonction de leur coût de production, parce que puissance et coût de production, c'est pas forcément proportionnel, tu vois. Du coup, ça rapporte un max de pognon à IBM, et donc, il y a beaucoup d'ordinateurs de l'époque qui finiront par être quasi identiques ou compatibles avec la famille 360, dont l'UNIVAC 9000, d'ailleurs, et il a eu une influence énorme sur l'histoire de l'informatique. Il a fait d'IBM le colosse qu'on connaît aujourd'hui, et d'ailleurs, l'architecture l'architecte du 360, c'est Gene Amdahl, un autre grand nom de l'informatique, mais enfin, c'est une autre histoire, on va dire. Qui on aurait en premier concurrent et à quelle époque d'IBM vraiment sur le segment du mainframe, IBM n'a pas de concurrence jusqu'à dans les années 90. Ah la vache, il a fallu quand même un moment, donc on imagine effectivement l'historique qu'ils ont sur le sujet. C'est génial. Donc voilà, c'est un petit tour d'horizon où je trouve que, enfin, je sais pas si vous l'avez senti ou pas, mais je trouve qu'on voit bien à quel point l'avènement des ordinateurs est lié à la science, en fait, je trouve, dans les deux sens, quelque part. Tu veux dire par là? Ben, la science d'une époque conditionne sa technologie, son ingénierie. Donc pour faire des machines mécaniques, il faut une bonne connaissance des métaux, de leur physique, il faut savoir les produire, hein, tout simplement. Pour faire de grosses machines, il faut des métaux légers, solides, il faut savoir faire des ressorts, il faut savoir quand les contraintes sont trop importantes. Voilà, pour faire des machines à vapeur, il faut maîtriser la thermodynamique. Et tout ça, ça a donné la révolution industrielle, ni plus ni moins. Hein. Et puis après, on a su maîtriser l'électricité. Donc la produire déjà, la conduire, la transformer, il a fallu plein de scientifiques pour ça, Volta, Ampère, Ohm, Coulomb et tout, et toute compagnie là. Et on a eu des moteurs électriques et des machines analogiques aussi du coup. Et puis on a pu faire des relais et représenter des informations autrement, comme dans le Z3 ou le Mark 1. Mais pour faire ces relais, les relais c'est des aimants, hein, c'est des électro-aimants, donc il faut des électro-aimants, donc il faut connaître la théorie de l'électromagnétique. Puis ensuite, on a développé nos connaissances sur les atomes et sur les électrons. Et c'est nécessaire de bien connaître leur comportement, parce que sinon, tu ne peux pas créer des tubes à vide. Et c'est les tubes à vide qui vont propulser la vitesse incroyable de l'ENIAC. Tu vois ? Mais cette électronique, elle n'est pas basée sur des semi-conducteurs. L'ENIAC, c'est de l'électronique, mais pas des semi-conducteurs. Parce qu'à l'époque, la mécanique quantique, elle est très jeune. On connaît ça encore assez mal. Elle n'est pas encore vraiment appliquée des masses. Et donc, il y aura plein d'idées pendant de très longues périodes pour faire des mémoires, par exemple, sans semi-conducteurs. Les mémoires Mercure de l'UNIVAC, les tors magnétiques plus tard. Quand la mécanique quantique a permis d'étudier plus finement les propriétés des matériaux, on a pu fabriquer et utiliser des semi-conducteurs. Et ça a donné le transistor, qui a permis de se débarrasser des tubes et de fabriquer des ordinateurs en grande série. Ça a permis aussi de mettre au point des lasers, de mettre au point des LED, etc. Et puis la chimie, l'optique, tout un tas d'innovations en ingénierie, en sciences des matériaux ont ensuite permis l'avènement des circuits intégrés. Et puis des microprocesseurs. Et bien sûr, en retour, la technologie a nourri la science. Tu vois, les tables numériques faites par les machines mécaniques, les intégrateurs analogiques qui ont permis de résoudre des équations différentielles complexes. Allô ? Construire. Ah, pardon. J'ai perdu avec les tables numériques, mais tu peux continuer puisque c'est enregistré. Excuse-moi. D'accord. Et voilà, de construire ça, résoudre des équations, ça a permis de construire des structures, des bâtiments plus complexes, des machines plus complexes. Tu vois, l'ENIAC a été utilisé pour faire des calculs de physique nucléaire. Et aujourd'hui, bah voilà, pas la peine d'en dire plus, quoi. Il suffit d'écouter Tech Café. Bon, voilà, vous savez à quel point la technologie est importante dans la science, etc. Donc, on voit bien cette espèce d'aller-retour comme ça entre science et technologie, et donc en particulier les ordinateurs. Ouais, et ce qui est aussi intéressant de relever, c'est que tout à l'heure, on disait que l'histoire, quelque part, des calculateurs aurait pu prendre une autre tournure avec plus de développement de machines à vapeur. Je pense qu'in fine, on en serait arrivé quand même aux mêmes situations qu'aujourd'hui. Je pense que l'histoire, si son déroulement aurait pu s'écrire tout à fait différemment, et on a vu que ça a tenu à peu de choses, j'imagine quand même que les évolutions des choses amènent logiquement à la situation d'aujourd'hui. Je vois mal comment on pourrait vivre aujourd'hui avec des progrès qui auraient amené à des fonctionnements. Ah, c'est intéressant ça. Tu penses que ça aurait pu progresser autant que ça a progressé aujourd'hui? Non, pas autant. Pas autant, mais ça aurait très bien pu, par exemple, si on avait eu une révolution informatique 100 ans plus tôt, ce qui aurait été théoriquement possible, ouais. Peut-être que ça aurait justement. Soit ça aurait accéléré les choses parce qu'on aurait eu accès à des puissances de calcul mécaniques plus tôt. Okay. Ça aurait pu accélérer les choses, ou au contraire, ça aurait pu les ralentir parce qu'on n'aurait pas ressenti le besoin de faire autrement. Tu vois, donc c'est difficile, toujours très difficile d'imaginer des scénarios qui soient différents de ce qu'on a vécu, mais en réalité, ça aurait très bien pu influencer beaucoup de choses dans les deux sens. Hein. Les jeux électromécaniques auraient pu être là beaucoup plus vite, les modèles économiques auraient pu être totalement différents, peut-être que ça aurait donné, peut-être qu'avoir un ordinateur, des ordinateurs probablement à vapeur, ça aurait donné une puissance colossale à l'Angleterre, qui aurait donc conservé une influence plus grande, peut-être que ça aurait modifié les enjeux politiques. Tu sais, tout est possible, on peut tout imaginer comme uchronie. C'est génial. Et justement, si on part dans les uchronies, je dérive un tout petit peu, mais justement, on parle de steampunk et d'uchronie. Est-ce que toi, tu as spontanément une œuvre qui te vient? Je te piège un peu, hein, parce qu'il n'y a rien dans le conducteur à ce sujet-là, mais que tu pourrais préconiser aux auditeurs. Moi, j'avoue que j'ai certaines idées de jeux de rôle, mais j'ai pas de... Bah, vous pouvez lire La Machine à Différence, c'est plus une enquête policière, en fait, un petit peu, mais c'est La Machine à Différence, donc de Gibson. Et Bruce Sterling, donc pourquoi pas, si t'as des idées, si t'as des idées de jeux de rôle, ça peut être marrant. Bon, écoute, je vais ressortir en tout cas mes petits documentaires, je vous mettrai peut-être quelques petites références dans les notes de l'épisode, mais je me note en tout cas La Machine à Différence de Gibson et Sterling. Merci beaucoup Guillaume, c'est hyper intéressant et du coup ça me fait réfléchir parce qu'on pourrait avoir un monde d'aujourd'hui peut-être plus différent que je n'imagine. Merci beaucoup, j'espère en tout cas que ça vous aura intéressé autant que moi j'aurais appris de choses dans cet épisode supplément de Tech Café. Donc vous voyez qu'on est allé assez loin du suivi de l'actu tech bien chaude, mais que c'est intéressant parfois de prendre le temps de se poser et de regarder un petit peu en arrière pour voir comment sont arrivées les choses. Si jamais tout ça, ça vous a intéressé, là aussi, si ça vous a permis d'avoir quelques sourires et quelques leviers de connaissances supplémentaires, vous connaissez hein, les liens incontournables, patreon.com/techcafé pour soutenir financièrement Tech Café. Et puis, surtout, ce qui compte aussi, c'est d'avoir vos avis, vos retours. Vous les avez dans les commentaires de l'article qui accompagne la publication de cet épisode sur techcafé.fr. Vous avez aussi la possibilité de déposer un avis sur Apple Podcast, sur Podcast Addict, ou même de venir en échanger entre vous et avec nous sur Discord. Merci en tout cas beaucoup pour votre fidélité. Guillaume, si jamais on veut encore te solliciter à ce sujet, si jamais on veut discuter avec toi des perspectives historiques des innovations technologiques, où est-ce qu'on peut te joindre aujourd'hui sur Internet ? On me retrouve dans mon salon en train d'essayer de refaire un univac en mécano. Non, mais j'espère que ton foyer sera clément. Plus sérieusement, on peut même imaginer effectivement continuer l'histoire, parce qu'après il y a des choses vraiment intéressantes sur les pionniers des superordinateurs par exemple, qui sont vraiment intéressants à savoir, parce que on parle de Jim and Amdahl, après on n'est pas très loin effectivement de CDC, puis de l'histoire de Cray et compagnie, donc ça peut éventuellement faire d'autres des épisodes suivants peut-être. Vous avez compris le message, chers auditeurs et chères auditrices. Si jamais vous êtes sensible à l'appel du pied de Guillaume Pogdiaspal à ce sujet, faites-le nous savoir. Et puis, il en prendra évidemment connaissance. Merci beaucoup pour votre fidélité. N'hésitez pas à partager cet épisode aux historiens des sciences et aux historiens de la technologie autour de vous. Je serai ravi de vous retrouver dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.